Plainte pénale contre Swissmedic. La RTS parle pour la première fois des dommages causés par les vaccins. Le lundi 14 novembre 2022 a eu lieu en Suisse une conférence de presse qui devait être le point de départ d'un bilan de ce qui s'est passé lors de la crise du Covid. L'avocat Philippe Cruz a annoncé que lui et ses collaborateurs juridiques avaient déposé le 14 juillet 2022 une plainte pénale de 300 pages contre Swissmedic, l'autorité suisse d'autorisation et de surveillance des produits thérapeutiques, et contre 5 médecins vaccinateurs. Cette plainte pénale a été présentée au public lors de la conférence de presse. À cette occasion, des victimes de la vaccination ont fait part de leurs souffrances et des experts internationaux ont évoqué les problèmes et questions en suspens concernant la vaccination. Le soir du 14 novembre, même la radio-télévision suisse RTS a rendu compte de la conférence de presse de manière étonnamment objective dans l'édition principale du journal télévisé. Les personnes concernées et les avocats qui les représentaient ont pu s'exprimer en détail à la télévision suisse sans que rien ne soit immédiatement objecté à leur déclaration. Ti Meitrang Just est une victime de la vaccination et elle est représentée par la plainte pénale. Elle est aujourd'hui en fauteuil roulant et se plaint de fortes conséquences qu'elle attribue à la vaccination. Avant, j'étais vivante. Je pouvais marcher, peindre. Aujourd'hui, j'ai besoin d'aide. Elle ne peut plus marcher ni se tenir debout correctement. Ses articulations sont enflées et tout son corps lui fait mal. Elle souhaite maintenant sensibiliser le public aux effets secondaires des vaccins et le réveiller. Concernant la plainte pénale, Mme Just déclare que son objectif est que Swissmedic assume sa responsabilité. Elle reproche à l'autorité d'avoir sciemment mis des personnes dans cette situation. Au journal télévisé, on pose alors à Daniel Theiss, rédacteur scientifique de la RTS, la question légitime de savoir ce que la vaccination a apporté et si les avantages justifient les effets secondaires. Il a répondu que les données avaient montré que la vaccination Covid était la solution pour sortir de la crise, mais qu'il manquait des données pour tirer d'autres conclusions, notamment sur l'utilité des rappels pour les plus jeunes. Au vu des centaines de milliers de déclarations de dommages liées à la vaccination dans le monde, cette réponse semble quelque peu étrange. On peut également se demander pourquoi la RTS n'a pas posé bien plus tôt de telles questions critiques au Conseil fédéral suisse et à ses offices compétents, ainsi qu'à la Task Force COVID-19. Au lieu de cela, la RTS a toujours été, avec la plupart des médias de masse, le porte-parole de la politique du COVID avec ses mesures disproportionnées et sa propagande en faveur de la vaccination. On attend avec impatience de voir comment le paysage médiatique va évoluer et se résoudre à s'excuser auprès de la population pour les dommages causés.